Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épisode 522. Peut-être que j'ai la voix un petit peu cassée ce soir, c'est que je suis légèrement enrhumé, donc je vous cache rien. Donc si vous entendez éternuer ou moucher ou tout ça, faut pas vous inquiéter, hein, c'est moi qui suis un petit peu souffrant. Mais c'est pas grave, vous savez, je suis là quand même, hein. C'est pas ça qui va m'arrêter. Ah bah, vous connaissez bien, le, hein. Bon, par contre, je vous cache pas que, comme je suis pas super top de la forme, on va y aller mollo, hein. Alors, on va se commencer, histoire que je me mette un petit peu en face, par vous mettre une petite chanson, parce que je suis vraiment... je suis un petit peu KO. Alors, je vais vous mettre un petit Galaxy Rangers derrière les fagots, histoire de me mettre la pêche, et à vous aussi, je l'espère. Allez, c'est parti, allez, hop là. Des ennuis les attendent vers le clair-obscur. Dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus, ils arrivent, ils sont tous là, les cavaliers du ciel. Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Toujours prêts, même au péril de leur vie. Objectif, le danger, chasser l'ennemi. Dans tous ces mondes aux mille dangers inconnus, si rapides, ils sont tous là, les cavaliers du ciel. Galaxy Rangers, nouveaux mousquetaires. Galaxy Rangers, Galaxy Rangers. Eh oui, les Galaxy Rangers. Alors, il y a un bruit de couloir qui circule en ce moment, comme quoi il y aurait un éditeur, Hervé Film, qui ambitionnerait de sortir cette série en DVD. Alors, je ne sais pas, parce que c'est un bruit de couloir, on verra bien. Alors, je vais en profiter. Donc, vous venez d'entendre donc, la vraie Galaxy Rangers. Et sachez qu'il y a eu une cover interprétée par notre ami Bernard Minet. Donc, c'est ça que je vais vous mettre maintenant. Donc, vous avez entendu la vraie. Maintenant, vous avez entendu la cover. Donc, je vous rappelle qu'une cover, c'est quand on reprend une chanson avec une autre instrumentalisation, un autre chanteur. Et donc, voilà ce que ça donne quand c'est Bernard Minet qui nous l'a fait. Des ennuis les attendent Vous avez vu, hein, ça change un petit peu. Hein. Ah bah oui. On va rester dans le Bernard Minet cover avec la cover des Cosmo Cats. Alors vous allez voir que c'est un petit air de Galaxy Express 999. Allez, c'est parti, Bernard Minet, la cover des Cosmo Cats. Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, Cosmo, extraterrestre Cosmic 4, c'est vous qui avez tous les pouvoirs. Cosmic 4, c'est vous. Et voilà les Cosmo Cats par Bernard Minet, ça change un petit peu. Hein. Je vous rappelle que c'est Jean-Claude Corbel qui chante la chanson normalement. Et oui, Jean-Claude Corbel qui fait en plus de Olivier Tom et de la bande à Picsou, plein d'autres chansons et surtout des histoires à raconter avec Claude Lombard. Donc tous les deux, ils ont commis quelques trucs, donc vous pouvez trouver ça sur des CD où il y a des contes pour enfants. Donc il y a Blanche-Neige, il y a la petite sirène et il y a la Belle au bois dormant déjà que j'ai trouvé avec donc, ces deux protagonistes. Et donc c'est des petites curiosités, d'autant plus qu'il y a des petites chansons parmi ces histoires pour compléter un petit peu le truc. Donc ça peut être sympathique. J'en ai mis quelques-unes sur YouTube si vous voulez trouver un petit peu tout ça. Ça peut peut-être vous intéresser. Alors, vous excusez si je ne vais pas parler beaucoup ce soir. Comme je vous l'ai dit en préambule, je suis un petit peu enrhumé, un petit peu malade. Et donc je suis alone, donc je fais ce que je peux. Donc on va se faire un petit truc de cover, hein, bien sympathique, il n'y a pas de raison. Maintenant on va écouter ce que ça donne quand c'est AB qui fait une cover de Astro le Petit Robot. Et que donc du coup ce n'est pas Franck Olivier mais Caline, Corinne Sauvage qui chante la chanson. Donc Astro le Petit Robot par une fille, voilà, c'est original, c'est ça, c'est parti. Voilà, Astro le Petit Robot. Et alors, qu'est-ce que ça donnerait si c'était Jean-Paul Césari qui vous chantait Denver, le dernier dinosaure ? Eh bien, ça donnerait ça. Jamais plus encore. s'incinérer, se trouver nez à nez avec un grand dino. Depuis la nuit des temps, juste sous les projecteurs, il met dans notre vie un peu plus de bonheur. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais plus. C'est un petit peu Molasso, hein. Ah, c'est un peu Mouligas, hein, comparé. Ah ouais. Enfin bon, il nous a fait aussi Cubitus, figurez-vous, Jean-Paul Césari. Si, si, si, si, voilà Cubitus. Toutes les petites mamies et tous les gros papis, près d'un toutou comme lui. Un toutou sympa qui adore le chocolat, pas tôt, comme un pachipacha. Il trouve des idées en dormant par hasard. Sa truffe noire, comme un ours en peluche avec quelque chose en plus, tout blanc et surtout bien vivant. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui Cubitus. V'là Cubitus, vive Cubitus, c'est pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius. Des chassés Cubitus, c'est le plus courageux de tous les paresseux. Il mord juste quand il dort. Sa queue en pompon tout jaune comme un citron. Remue pour dire oui, pour dire non. V'là Cubitus, bon Cubitus, tout tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, bon Cubitus, le voilà c'est lui. Pas Papyrus, pas Marius, pas Claudius, c'est Cubitus, oui Cubitus, le roi des chassés Cubitus. Et même quand tout rate, il a le cœur sur la patte, il rit, il est content. Mais il devient fort avec moi, c'est ma forme, alors tant pis pour les méchants. V'là Cubitus, beau Cubitus, tout tout plein d'astuces qui est pas un sac. C'est ma forme, un gros nounours de gigot. Ah oui, ça tu aimes les gros os de gigot. Eh bien je te garde un peu demain encore, parce que tu es un bon chien. V'là Cubitus, beau Cubitus, tout tout plein d'astuces qui est pas un sac à puce. V'là Cubitus, oui Cubitus, le roi des chassés Cubitus. Allez, maintenant c'est toujours par César, c'est les Tortues Ninja. Wouh. Tortue Ninja, Tortue Ninja. Ninja. Allez, on continue avec Bernard Minet, encore cover, avec la cover de Transformers pour un monde meilleur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'aime pas Transformers pour un monde meilleur. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on va en mettre une autre, c'est pas grave, allez. Galaxie XO sur la Terre. comme toi et moi. XO dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XO ne craint rien, il nous protégera. Pieds et poings nus, il se bat comme fou. Vrai samouraï, il fait pas des tailles. Vive comme l'éclair et la lumière, il bondit. De son vaisseau, il part à l'assaut des extraterrestres qui nous détestent. Pour nous sauver, il pourrait payer de sa vie. XO, le shérif, shérif de l'espace. XO, dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XO, ne crains rien, il nous protégera. Shérif de l'espace, XO dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XO ne craint rien, il nous protégera. XO le shérif, shérif de l'espace, XO dans le ciel, c'est lui qui fait la loi. XO ne craint rien, il nous protégera. Bah oui, vous avez reconnu que c'était XO, bien sûr. Toujours par notre ami Miné. Alors, ce qui pose problème avec toutes ces covers, c'est quand les musiques changent. Alors, je vais en mettre où les musiques seront les mêmes, ça sera déjà gagné. Mais en attendant, Olive et Tom par Bernard Animal. Bernard Animal, c'est le chanteur de Ken le Survivant, de Galaxy Express 999, Dr. Slum, Chéri Miel, tout ça. C'est parti, Olive et Tom par Bernard Animal. Non, celle-là, il la veut pas non plus. Alors, c'est un grand mystère, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On va écouter Bernard Animal, mais sur la bonne musique, puisqu'il s'agit des Silverhawks. Parce que chez AB, en fait, ils faisaient des covers de leur propre truc. Donc, en intervertissant, en switchant les chanteurs. Donc, voilà les Silverhawks par Animal. Dans l'immensité, très très loin dans l'univers, tournent des planètes où règne l'enfer de la guerre. Dans le noir glacé d'entre les galaxies, ils sont toujours là pour lutter sans répit. Pour vaincre le mal, ils sont prêts à donner leur vie. Avec Silverhawks, aigle d'argent. Avec Silverhawks, tous les méchants ont peur. Silverhawks, de votre audace. Silverhawks, justicier de l'espace. Ils ne craignent ni le mal, ni le froid sidéral. Ils n'ont peur de rien et leur courage est sans égal. Ils vont bravement malgré tous les dangers, avec dans le cœur l'obsession de gagner. Car ils savent qu'ils combattent pour la liberté. Allez, Silverhawks, aigle d'argent. Allez, Silverhawks, tous les méchants ont peur, Silverhawks, de votre audace. Allez, Silverhawks, justicier de l'espace. Dans l'immensité, très très loin dans l'univers, des planètes où règne l'enfer de la guerre. Dans le noir glacé d'entre les galaxies, ils sont toujours là pour lutter sans répit. Pour vaincre le mal, ils sont prêts à donner leur vie. Allez, Silverhawks, aigle d'argent. Allez, Silverhawks, tous les méchants. On peur, Silverhawks, de votre audace. Allez, Silverhawks, justicier de l'espace. Allez, Silverhawks, aigle d'argent. Allez, Silverhawks, tous les méchants. On peur, Silverhawks, de votre audace. Ah, c'est un petit peu mieux parce que là, au moins, c'est la vraie musique, c'est déjà ça de gagner. Hein. Quand on a la vraie musique, c'est quand même déjà un petit chouïa mieux quand même. Hein. Parce que souvent, ils font les musiques, c'est pas ça. Alors, il y a aussi un problème avec les paroles. Et là, comme c'est du AB chez AB, du coup, on se trompe pas dans les paroles non plus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que souvent, on a n'importe quoi comme parole. Hein. Enfin bon. Alors, d'autres curiosités, c'est les bioniques à papa bionique, à maman bionique, chanté par Minet. Papa bionique, une maman bionique, c'est les bioniques. Vous voyez, ça. Eh ben, Miné, il ne me croyait pas quand je lui ai dit qu'il allait chanter les bioniques. Ben, si, il a fait une cover des bioniques, la preuve. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant? Ben, les Chevaliers du Zodiac, quand c'est pas Miné qui la chante, ça donne quoi? Eh ben, ça donne ça. Des quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Sans hésiter, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de des vainqueurs. Ils n'ont jamais peur de personne et rien ne les effraie. Et lorsque l'heure du combat sonne, tous ils sont toujours prêts. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. La chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque contre les forces démoniaques gardent toujours au fond de leur cœur le courage des vainqueurs. Et quand un jour viendra enfin l'heure de la victoire au royaume de on chantera leur gloire. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du zodiaque contre les voilà, et voilà, le tout chanté par Serge May. Bien sûr, c'est celui qui a commis le 33 tours des Chevaliers du Zodiac. Vous savez que c'est pas Mini qui chante. Et ben, je suis ouais. Voilà. Oui. Ouh. Alors, encore une autre petite surprise, puisque c'est Goldorak. Goldorak, go, pas chanté par Minet. Pas chanté par Minet, ça donne ça. C'est parti. Goldorago par Jean-Paul Césari. Eh oui, vous avez reconnu. Eh oui, je vous l'ai pas dit pour voir si un peu vous avez trouvé. Eh oui, bien sûr que vous avez trouvé. Ah, vous êtes trop fort, c'est fort. Voilà, voilà, voilà. On continue avec Jace ce coup-ci. Jace est conquérant de la lumière. Toujours par notre ami Bernard Minet. Écoutez un petit peu ce que ça donne au niveau des paroles. C'est folklore. Hein. Va, Jace, conquérant du lointain. Recherche ton père. Illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Jace, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jace, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force sans fin qui brûle tout au fond de toi. Espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont le feu, les monstres ont le pouvoir. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Et la victoire viendra tout refleurir. Non, n'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir. Parce qu'un jour, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. Jace conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton camp et l'univers. Jace conquérant, le monde t'attend, fier et combattant. vas sauver ton camp et l'univers. Combattant, tu défies les méchants. Sauve l'univers. Bon, je vais pas essayer de chanter aujourd'hui parce que j'ai une putain de voix de ouf. Allez, Lady Oscar par AB, ça vous dit ? C'est parti. Lady, Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady, Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Oscar, tu vivais sous la révolution. Lady, Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Un jour son père a fait le choix. N'oubliera jamais ton nom. Elle maniait si bien son épée qu'on osait la défier. Et quand on lui cherchait que faire, elle se battait en duel. Un beau jour, elle choisit son corps et chassa les tyrans. Comme un garçon, Lady, Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady, Lady Oscar, tu vivais sous la révolution. Lady, Lady Oscar, personne n'oubliera jamais ton nom. Lady, Lady Oscar. Elle est habillée comme un garçon. Lady, Lady Oscar. Maintenant c'est Embrasse-moi Lucille, version AB qu'on va écouter. Partout au soleil, sous la pluie, quand il voit s'avancer les grands yeux de Lucille. Partout les garçons se bousculent et la rue un instant. Embrasse-moi, beau jour choisira et son cœur lui dira le garçon qu'il faut prendre. Et c'est avec lui qu'elle ira jour et nuit jusqu'au bout des chemins de la vie. Mais en attendant, elle écoute tout ce qui lui chante cet air-là. Je vois même pas qui c'est de chez AB qui a chanté cette chanson en fait. Oui, vous savez, je sais qu'on souffre. Ah bah, je suis malade, tout le monde est malade ce soir. Voilà. Allez, encore une petite cover AB de Flo les Robinsons Suisses. Robinson. Alors des fois ils sont un petit peu couillons chez AB. Ils ont voulu faire une cover des Entrechats mais ils sont trompés de chanson. Ils ont pris la deuxième des Entrechats au lieu de la première. C'est dommage, ça aurait pu être sympa d'entendre Miné nous chanter, Miné en l'occurrence, les Entrechats. Ils adorent le Citadin mais non, c'est la deuxième chanson malheureusement. Chat chez les humains, les chiens, c'est un dur, c'est le parrain. Il frappe dans son décor de bric-à-brac et d'objets morts. N'a pas peur d'un corps à corps, c'est un fort. Chassons là. Isidore, c'est être doux, un bon chat, un bon matou. Même des frères, le roi des grigous devient tendre tout à coup. À la vue d'une mignonne, d'une perle rare, d'une garçonne, il s'agite, c'est moustique. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Je serai en pleine forme, j'espère, et vous aussi. Et ça sera pas à la Star Figo, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Éclairera ton cœur, n'abandonne pas, si tu es fort, tu auras tout.